j'picole. Et j'pense à toi, amigo, que j'rigole, ça t'étonne. Mais jalouse pas de ma vie, gros, on se connaît depuis l'école. La gardave, les heures de colle, les premiers délits, nos premiers délires. Les premières barres, les verres d'alcool. On a nos soucis, nos problèmes, il serait temps de trouver la solution. Qui fera le premier, pas pour parler, à l'autre prendre la bonne résolution. J'ai tourné sans personne, j'peux plus voir tes gains. Le bruit du moteur est ronronné, demande à Teddy, on prend le run run. Ils sont pleins de manie, mais tout ça on me l'avait dit. J'aurais été bizarre, je pense qu'on me l'aurait dit. Amigo, tu te la pètes à croire que tu vis à Miami, go. Calcule plus la vie, go. J't'en veux, Miami, go. On s'aime bien, mais on s'parle plus, ben c'est la vie, go. J'ai mes ASICS et j'habite pas loin du Hasigo. Hasigo. Ouais, chaleur, ouh, qu'est-ce qui se passe? Ouh, qu'est-ce qui tracasse? Faut qu'on parle, tant ça passe. Ouh, ouais, mon amigo, j'suis tendu au micro. Tu m'as appelé en mytho, tu m'as zappé, ouais, plutôt. Entrant sous grosse mission, il est naquette, le guidon, claquette, Nike, pas Louis Vuitton. Amigo, j'ai les frissons, toi tu fais le mal. Après, tu songes sur moi, tu dis des mensonges, j'ai beaucoup bu. Faut qu'on se voie et c'est ce que je pense. Miami, go. Tu te la pètes à croire que tu vis à Miami, go. Calcule plus la vie, go. J't'en veux.